bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue dans ce Lobster 166.0. C'est un Lobster un petit peu spécial. Je suis allé chercher à la bibliothèque, pas loin de chez moi, le livre « La nuit du loup-garou ». Un livre dont vous êtes le héros. C'est un défi fantastique. Donc, dans ce Lobster, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à ce livre et on va essayer de passer au travers et de se rendre à la fin. J'ai préparé un peu les choses. Sur un bout de papier, je me suis fait ma feuille d'aventure, mais pas remplie, mais au moins je l'ai dessinée. Donc, on va lire ça ensemble et on va voir comment ça fonctionne. Première page, comment combattre les loups-garous, les monstres et autres créatures infernales qui vont hanter votre aventure. Donc, il nous explique un peu comment ça va fonctionner. On a besoin de 2 dés, j'ai 2 D6. Tout d'abord, ils disent, bon, ils disent qu'il faut setter nos habilités, endurance et chance. Lancez un dé. Bon, on va lancer un dé. J'ai 4. Et divisez le résultat par 2. Donc, 4 divisé par 2, ça donne 2. Ajoutez 7, ça donne 9. Et inscrivez le total. Donc, ça me donne 9 en habileté. Lancez ensuite 2 dés. J'ai eu 5 et 1, ça fait 6. Ajoutez 10 et ça donne mon total d'endurance, donc j'ai 16 en endurance. Il existe également une case chance, lancez à nouveau un dé, j'ai eu seulement 1. Ajoutez 6 au chiffre et inscrivez-le dans votre total de chance. Donc moi ça donne 7 et voilà. Pour des raisons qui vous seront expliquées plus loin, les points d'habilité et de chance changent constamment au cours de l'aventure. Vous devez garder le compte exact sur votre feuille. N'effacez jamais votre total de départ, parce que je pense qu'il ne peut pas le dépasser. Avec vos points de chance, vous saurez si vous êtes naturellement chanceux ou malchanceux, et oui. Bon, pour faire les combats, il nous explique, je l'ai lu, c'est très simple, on lance 2 dés. Puis on ajoute le total des 2 dés à notre total d'habileté qu'on a à ce moment-là. Ça nous donne notre total d'attaque. Puis on fait la même chose pour le monstre. Puis celui qui a le plus haut, c'est lui qui fait des dégâts à l'autre. On fait 2 dégâts à chaque fois. Puis si on veut, on peut tenter notre chance. Donc on tire des dés. Puis si on a 2 dés, si on a en bas de notre chance ou égal, on est chanceux, donc ça fait 1 dégât de plus, mais sinon, ben, on fait moins de dégâts au monstre, on y fait juste 1 au lieu de faire 2. Donc ça, c'est pour tenter la chance. Si on combat plus d'un adversaire, ben, ils disent qu'on doit, nous, on doit n'affronter qu'un à la fois, puis dans le même tour, le deuxième adversaire, s'il y en a un deuxième, et lui, on ne peut pas lui faire de dégâts, mais lui peut essayer, donc il faut comparer notre total avec le sien pour voir s'il réussit à nous blesser. Donc, dans les combats à plusieurs, il faut essayer de tuer le premier, alors que le deuxième, il est comme en train de nous mordre par en arrière. Ensuite, ils disent la chance. À plusieurs reprises au cours de l'aventure, on peut tenter notre chance. Ils disent lancer 2 dés si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à notre total de chance, vous êtes chanceux, et le résultat tournera en votre faveur. Donc, des fois, ils vont nous demander ça. Bon. Habilité. Vos points d'habilité ne varieront pas beaucoup au cours de l'aventure, OK? Endurance. Votre point d'endurance changeront beaucoup. Donc, l'endurance, c'est à chaque fois qu'un monstre nous attaque puis nous fait, disons, 2 dégâts, on descend. Quand on atteint 0, c'est là qu'on peut mourir. Si on meurt, bien, on doit recommencer l'aventure à 0. Il parle de provisions. J'ai lu qu'on a 10 provisions, puis à tout moment, on peut décider, quand on est dans une pause, de manger des rations. Et ces rations-là, on a 10, puis elles nous redonnent chaque fois 4 points d'endurance. Ensuite, métamorphose, ça, je ne l'ai pas lu. On va lire ensemble. Comme vous allez le découvrir dès le début de votre aventure, le sort va vous être si néfaste que vous risquez de vous métamorphoser en une redoutable créature si vous ne menez pas votre quête à son terme et vite. Vous allez donc disposer d'un total de métamorphoses qui variera tout au long de votre quête et qui influencera, comme vous le découvrirez bien, qui va influencer bien des décisions que vous aurez à prendre. Tenez-le en compte sur ma feuille, puis n'oubliez jamais que ce total ne pourra en aucun cas être inférieur à 1, sauf au début de l'aventure où il est à 0. Donc je mets 0 en métamorphose sur la feuille. Bon, équipement indice, je commence l'aventure avec une armure de cuir et un sac à dos dans lequel je peux mettre des pièces d'or. En ce qui concerne ces dernières, lancez 2 dés, 5, 6, 7, et ajoutez 6. 7 plus 6, ça fait 13, donc j'ai 13 pièces d'or. Donc peut-être ça va permettre au cours de l'aventure d'acheter des choses. Vous possédez également une lanterne, je vais l'écrire sur ma feuille, dans l'équipement lanterne, et de quoi allumer, je vais écrire Amadou, et quoi d'autre, et vous êtes armé d'une bonne épée, je vais marquer épée, et comme nous on est dans le lobster, on a droit à un objet supplémentaire, on a une figurine de nain, qui nous donne plus 1 de chance. Pour nous, les nains, vous le savez, c'est chanceux. Donc, ma chance qui était à 7, je la modifie tout de suite. Je la mets à 8 parce que nous, on a une figurine de nain. Là, ils disent, si on n'a pas de dés, on peut utiliser les pages. Dans le bas, il y en a, on tourne vite, mais bon, je n'ai des dés. Maintenant, il faut choisir notre héros. Moi, j'ai pas choisi mon héros. On l'a bâti ensemble. Son nom c'est Solaris. Solaris c'est pas mal toujours le nom de mes personnages dans Donjons Dragons. En tout cas, c'est le plus ancien, c'est celui quand j'étais jeune. Il s'appelait Solaris. Donc on est prêt à commencer l'aventure. Donc bienvenue dans la nuit du loup-garou. Donc, des hurlements dans la nuit. Penser pouvoir atteindre ainsi un village avant la tombée de la nuit était pure folie. Que vous est-il donc passé par la tête pour imaginer que traverser cette sombre forêt serait un raccourci? Pour une fois, hélas, votre impétuosité a pris le pas sur l'expérience du mercenaire que vous êtes. Gagné par la panique, vous sentez alors votre cœur battre à tout rompre dans votre poitrine alors que ses coups assourdissants résonnent dans vos oreilles. Et vous accélérez encore l'allure, comme viennent de le faire les créatures qui vous donnent la chasse. Les loups vous suivent sans relâche et vous frémissez en entendant leur halètement. La nuit, maintenant tombée, vous fait trébucher sur les racines des arbres et ne laisse passer, là-haut, entre les branches dénudées, que la faible lueur d'une lune qui sera pleine dans peu de temps. Des branches que votre imagination fiévreuse voit se tendre vers vous, telles des doigts crochus de squelettes tourmentés. Mais soudain, la terreur qui allait vous submerger disparaît pour laisser place à un fol espoir. Là-bas, devant vous, une lumière vient d'apparaître à travers les arbres, dont vous n'apercevez que les formes lugubres. Lumière vacillante, sans doute celle d'une bougie, mais qui vous paraît briller comme le plus éclatant des soleils. Il vous faut peu de temps pour voir qu'elle provient de la fenêtre d'une petite hutte, et peut-être est-ce là une chance d'échapper au sort cruel que cette nuit semblait vous promettre. À ce moment précis, un hurlement s'élève dans l'obscurité sinistre, le cri d'un animal qui doit être tout proche. Le souffle court, vous vous tournez en tous sens, votre regard cherchant à découvrir une trace de sa présence. Et c'est alors que 12 yeux rougeoyants, tels des charbons ardents, surgissent des ténèbres pour vous fixer de leur feu infernal. Grondant, les loups se sont approchés pour apparaître maintenant face à vous dans la lumière laiteuse de la lune, maigres, affamés, la fourrure pelée par endroits, les oreilles pointées vers l'arrière serrées comme contre leur crâne et la mâchoire ouverte, découvrant des crocs jaunâtres dégoulant de salive. Lassés de la sécurité offerte par les plaines de Femfrey et de la vaste lande, vous vous étiez aventuré en direction du nord vers la Moristasia, pays où règne le froid et où le ciel est la plupart du temps caché par des nuages gris. Un lieu où nombreuses sont les petites principautés dont l'histoire est aussi ancienne et sanglante que celle de l'ancien monde lui-même, et où l'on n'ose évoquer qu'à voix basse les seigneurs vampires de Mortvania ou ce macabre culte des morts de Batoria. Mais nulle contrée n'est aussi arriérée et maudite que celle de l'Upravia, contrée glaciale aux montagnes inexplorées, aux forêts sombres et aux landes brumeuses hantées, si l'on en croit les nombreuses légendes par les esprits des morts sans repos. Pour ses habitants, misérables, ce n'est qu'une lutte perpétuelle pour tenter d'arracher au sol une maigre subsistance et se défendre des bêtes sauvages. Seuls les plus téméraires ou les simples d'esprit osent en franchir les frontières. Et c'est pourtant là que vous vous trouvez maintenant. Mais un grognement encore plus menaçant que tous ceux qui sont élevés dans la nuit vient de vous ramener à la réalité. Tous les loups se sont subitement figés pour laisser passer l'un d'entre eux, à l'évidence le chef de la meute. L'espace d'un instant, vous le voyez traverser la lueur blafarde d'un rayon de lune semblable à un long cierge funéraire posé sur le suaire de la nuit. Jamais il ne vous avait été donné de voir une chose pareille. La créature est monstrueuse, d'une taille de plus du double de celle d'un loup ordinaire. La fourrure d'un noir profond, si ce n'est une longue bande grise lui courant depuis le haut du crâne tout le long de son dos. Son regard brille d'un éclat diabolique, éclat inhabituel chez un loup, presque humain ou plutôt inhumain. Provenant du plus profond de sa poitrine, un grondement rauque se fait soudain entendre, comme annonçant le sort funeste qui sera bientôt le vôtre. La meute s'est remise en mouvement. La mort au fond des yeux, le loup noir se prépare à bondir. Et maintenant, tournez la page. Donc, c'est là que commence l'aventure. On commence au numéro 1, puis après ça, ben, on a des choix, puis on se doit se rendre. Le livre n'est pas linéaire. C'est comme ça que ça marche, un livre dont vous êtes les héros. Donc, je vous lis que c'est écrit en 1. Là, je vois qu'il y a une photo. C'est marqué « Le grand loup se ramasse sur lui-même, prêt à l'attaque. » On voit un gros, gros loup. Qui est toute noire, puis sa meute est derrière lui. Au numéro 1, c'est écrit « La meute en venant a presque vous frôler, et le grand loup se ramassant sur lui-même, prêt à l'attaque. Il vous faut agir sans perdre un instant et faire preuve de toute la détermination dont vous êtes capable si vous voulez avoir la moindre chance de vous sortir de cette fâcheuse situation. Donc, allez-vous tenter de vous échapper, si oui, je me rends au 43, attendre de pied ferme le grand loup, 66, vous ruez sur le loup sans attendre au 147. Donc moi, je suis un vrai héros qui va tenter de s'échapper. Donc, on s'en va au 43. Moi, je me sauve, OK? On est... Bon. Dans la vraie vie, je me serais sauvé s'il y avait un loup. Bon. 43. Au moment même où le grand loup bondit sur vous, vous faites volte-face, vous mettant à courir le plus vite que vous le pouvez. Mais vos réflexes ont-ils été suffisamment rapides? Testez votre habileté. Si vous réussissez, rendez-vous au 191. Si vous échouez, rendez-vous au 254. Donc, je vais tirer les deux dés. Puis, il faut que ça soit en bas de mon habileté qui est 9. Donc, je vous dis que je tire. Ah, j'ai eu seulement 4. Donc, 4 est égal ou inférieur. Donc, j'ai été chanceux. J'ai testé, puis c'est bon. Rendez-vous au 191. Donc, j'ai réussi mon test d'habileté. 191, qu'est-ce que ça dit? Il était temps, vous n'avez fait qu'une foulée quand le loup noir, au bout d'un formidable bond, atterrit à la place exacte que vous venez de quitter. Mais la meute vous a entouré, vous empêchant d'aller plus loin. Deux bêtes, en particulier, se montrent encore plus agressives que les autres. Les babines dégoulantes de bave retroussées sur de terribles crocs, elles avancent vers vous au milieu des hurlements de leurs congénères, semblables à des cris d'encouragement. Vous les combattez ensemble. Donc, il y a deux loups à battre. Le premier loup, il y a 7 d'habileté, 6 d'endurance. Puis, second loup, 6 d'habileté, puis 5 points de vie. Puis là, c'est écrit « Après deux assauts, le monstrueux loup noir, sans doute impatient de participer à la curée, se joint au combat. » Donc, après deux attaques, le loup noir, lui, a 8 d'habileté puis 9 d'endurance. Il va se joindre, puis je vais affronter les trois en même temps. Puis là, ils disent « Passez deux assauts, ou dès que l'endurance du loup noir sera inférieure à 8, rendez-vous au 271. » Donc, j'écris les loups 7, 6, 6, 5, puis 8. 9. On est au premier tour. Donc, j'y vais. Je vais tirer mon total d'attaque. Donc, oui, c'est ça, c'est l'habileté. Donc, je tire 2 dés pour moi. 4, j'ai 6 plus 9. Donc, moi, j'ai 17. Et je choisis lequel des deux loups j'attaque. Donc, je vais attaquer le deuxième qui est le moins fort, qui a 5 points de vie. Fait que deuxième, on va s'attaquer toujours au plus faible en premier. Lui, il a 1, 2, 3, 4, plus 6, ça lui fait 10. Donc, je lui fais 2 de dégâts. Donc, je descends son... Il est rendu à 3. Et là, je dois me défendre contre le deuxième loup. Donc, je tire les 2 dés. 4, 5. Plus, lui, il a 7 en habileté. Donc, ça lui fait 13. Donc, à 13, moi, mon 17 est plus fort. Donc, il me fait rien. Mais moi, je peux pas y retourner. Donc, on passe au deuxième tour. Deuxième tour. Nouvelle attaque pour moi. 5, 6, 7. 7 plus 9, j'ai 16. Un petit peu plus bas que le dernier coup. Puis là, je tire pour le deuxième loup. Oh, il y a 8. 8 plus 6. Ah, quand même, ça fait 14. Il est en bas de moi, donc il baisse. Il tombe à 1 point de vie. Et le deuxième loup, je tire pour lui. Et ça y fait 6. 6 plus 7, ça y fait 13. Il est encore en bas de moi. Donc, j'esquive son coup. Puis là, ils disent, après 2 assauts, le monstrueux loup noir, sans doute impatient de participer à l'écurie, se joint. Ok, vous affronterez 3 loups en même temps. Passez 2 assauts, où dès que l'endurance du loup noir est inférieure à 8, rendez-vous au 271. Ok, fait que là, troisième tour. Là, je dois terminer de tuer le deuxième loup. Donc, je vais tirer les dés pour moi. Oh, j'ai 11 plus 9, fait que ça me fait 20. Oh, je vais être invincible là-dessus. Oh non, lui il a 10, ça il fait 16 quand même, le deuxième loup. Fait que le loup il est mort, le deuxième loup. Là maintenant, je dois esquiver les coups du premier loup. Ça il fait 3 plus 7, ça fait 10. Moi j'ai 20, je suis en haut. Et le ouch. Là j'ai eu 5 plus 6, j'ai eu 11. Puis le loup il a 8 d'habileté, ça il fait 19. Une chance que j'ai 20. Je réussis encore à esquiver le loup noir. Maintenant, on passe au quatrième tour. Là, le loup noir, je dois. Là, je dois choisir entre si j'attaque le premier et le troisième. Puis évidemment, je ne suis pas nono parce que je vais attaquer le loup noir tout de suite en deuxième parce qu'ils disent dès qu'il il va avoir 8 ou moins d'endurance, il faut que je change de page. Fait que là, il y a 9 points. Si je peux le toucher une fois, ça me permet de changer, de quitter ce combat-là. Donc, moi, j'ai eu 2, 6. C'est fou. 12 plus 19, ça me fait 21. C'est le plus haut que je peux avoir. Bon, c'est sûr que. Ça va être dur de me battre. Le loup noir, il a 6, 7, 8, plus 8, ça lui fait 16. Donc, il tombe à 7. Maintenant, il me reste à esquiver le premier. Il a eu 6 plus 7, ça veut dire ça lui fait 13, qui est en bas de mon 21. Donc, je l'esquive. Et maintenant, le total du loup noir, son endurance est de 7. Puis ça me dit que dès qu'il est inférieur à 8, rendez-vous au 271. On y va et on lit ce qui va se passer. D'après moi, il va nous mordre. C'est une histoire de loup-garou. Sentant que vous commencez à prendre le dessus, vous jetez un coup d'œil au reste de la meute qui est de plus en plus proche. Une distraction qui risque de vous coûter cher, car vous prenant le pied dans une racine, vous perdez l'équilibre. Une erreur dont le grand loup profite sur le champ. Alors que votre épée bat l'air pendant que vous essayez de vous remettre sur pied, l'animal d'un puissant bond vous atteint en pleine poitrine et vous envoie rouler au sol. L'instant d'après, il est sur vous, sa gueule si proche de votre visage que vous pouvez sentir son haleine fétide de carnivore et entendre ses sourds grondements au creux de vos oreilles. Gémissant de douleur, le souffle court, vous essayez tant bien que mal de vous relever, mais vous n'en avez pas le temps car le loup vient de vous planter ses crocs dans l'épaule. Je vous l'avais dit qu'on allait se faire mort. C'est un peu la prémisse du livre. Ce qui vous fait perdre 2 points d'endurance. Donc, je passe, j'étais à 16, c'est mon total de départ. Je suis maintenant à 14 points d'endurance. Vous pensiez votre dernière heure venue lorsque soudain un hurlement de douleur se joint à vos propres hurlements. Dans un voile, vous distinguez maintenant la silhouette d'un homme robuste et de haute taille qui, une hache à la main, est penché sur le loup auquel vous le voyez porter un nouveau coup avant que la bête ne se redresse pour s'enfuir en boitant, suivi de la meute gémissant. Donc, il y a quelqu'un qui est venu nous aider. L'homme s'est approché de vous. Vous voyez ses lèvres bouger. Sans doute vous parle-t-il. Mais vous n'entendez rien tant la douleur vous submerge. L'instant d'après, vous avez perdu connaissance. Rendez-vous au 111. On s'en va tout de suite au 111. J'espère que c'est un gentil. Oh, là, il y a un petit texte de 3 pages, donc ça nous explique un peu ce qui nous arrive. Vous vous éveillez en sueur, vous vous débattant au milieu d'un cauchemar dans lequel un loup vous poursuivait la gueule baveuse. Ouvrant les yeux, la première chose que vous apercevez est un fouillis de toiles d'araignée. Puis, des images vous reviennent en tête, de terribles images. Une cabane aperçue à travers les arbres, une lumière comme un espoir, la nuit des loups, l'attaque. Un homme est là maintenant, une hache fermement tenue en main. Là, il nous dit « Vous devriez faire attention à ça », prononce alors une voix bourrue. Quoi? Surpris, vous vous retournez pour découvrir un homme trapu et barbu, assis à une table devant une cheminée de pierre, une pipe à la main. Les flammes qui éclairent son visage en dansant ne cachent pas son expression soucieuse. « J'ai nettoyé et pansé la blessure du mieux que j'ai pu », ajouta-t-il, « mais ça va mettre du temps à guérir. » Ah, ok, il nous dit de faire attention à notre bobo. Ne comprenant pas encore trop où vous vous trouvez, qui est l'homme qui vous fait face et encore moins la raison pour laquelle il vous a pris soin de vous, vous marmonnez un vague merci. « Venez vous asseoir, je voudrais vous montrer quelque chose. » Avec précaution, vous vous levez du lit pour aller le rejoindre. « Mon nom est Ulrich. » Ok, moi je vais l'écrire dans code et pour... non, dans note. Indice et note. Des fois, il faut retenir des choses. Ulrich nous a aidé. « Mon nom est Ulrich et je gagne ma vie comme bûcheron comme dans cette forêt sauvage, » dit-il en vous tendant la main alors que vous vous asseyez. À côté de lui, posé sur la table, se trouve un tas de chiffons ensanglantés. « Mais que s'est-il passé? » lui demandez-vous, incapable de quitter le paquet de chiffons des yeux. Ulrich se met alors à vous raconter sa version des événements. Il dit « J'ai donné un sacré coup à ce satané loup noir, » dit-il en un semblant de sourire apparaissant fugitivement sur son visage. Il est parti sans demander son reste et la meute avec lui. « Vous vouliez me montrer quelque chose? » « En effet, » vous répond-il. Et saisissant le paquet, il se met à en dérouler les chiffons. « Je viens de vous dire que j'avais donné un sacré coup à ce maudit loup. Enfin, je lui ai coupé une patte. Enfin, c'est ce que j'ai cru tout d'abord, » ajouta-t-il, en enlevant le dernier morceau de tissu presque noir de sang séché. « Mais vous allez me dire si ça ressemble vraiment à une patte. » Devant vous, sur la table, repose maintenant une sorte de morceau de fourrure noire terminé par des griffes. Quelque chose ressemblant vaguement à une main humaine, mais également une patte de loup. Vous êtes gagné d'un coup par un sentiment d'horreur qui vous étreint le cœur. Et avant même que Ulrich n'ouvre à nouveau la bouche, vous savez ce qu'il va vous dire. Ce n'est pas un loup qui vous a attaqué dans la forêt. C'était « Un loup-garou » criez-vous en lui coupant la parole. Et vous savez que cela signifie. Voilà qui explique votre fameux sommeil, fiévreux, les cauchemars. Vous avez entendu si souvent parler de ces êtres monstrueux, ces humains qui se transforment les nuits de pleine lune. Vous savez qu'ils portent en eux les germes de la malédiction qui les transforme ainsi, la lycanthropie. Puis là, il nous dit, il faut détruire ces choses maléfiques. Jetez-la dans le feu pour qu'elle soit anéantie. Fait qu'il veut que je jette la main dans le feu. Alors, allez-vous faire ce qu'il vous demande sans attendre ou préférez-vous examiner cette patte de plus près? Moi, je voudrais l'examiner. Je vais aller examiner la patte, c'est aller à la page 139, au paragraphe 139. Donc, on l'examine. Prenant la patte, vous l'examinez longuement à la lueur des flammes. Mis à part de longs ongles que l'on pourrait prendre pour des griffes, c'est bien une main humaine que vous tenez à votre propre main. Mais il y a autre chose. À l'annulaire est passé un anneau portant un curieux sceau, une tête de loup, se détachant sur la lune. Vous pouvez prendre cet anneau si vous le désirez. Oui. Dans ce cas, n'oubliez pas de le noter sur votre feuille d'aventure. Oui, oui, je prends l'anneau. Je l'écris sous ma figurine de nain, qui me donnait plus un de chance. Donc, anneau. Anneau, tête de loup. Tête de loup. Puis là, ils disent rendez-vous à la page 290. Donc, on a réussi à avoir un anneau. On verra plus tard s'il sert à quelque chose. 290. Vous saisissant de la main, vous la jetez dans le feu en poussant un cri de rage. Alors, je suis perdu, dites-vous, envahi par un désespoir soudain. Je suis condamné à devenir une créature avide de sang, incapable de me contrôler les nuits de pleine lune. Mon existence sera pire que celle d'un hors-la-loi, d'un animal. Là, c'est écrit, ajoutez 3 points à votre total de métamorphose. Fait que là, la métamorphose va servir dans certains cas j'imagine. Peut-être pas, il nous dit, vous coupe Ulrich d'une voix pensive, tout en vous fixant d'un regard qui vous met mal à l'aise. Un espoir. Attends, il dit, un regard étrange comme menaçant, comme si autre chose qu'Ulrich était en train de vous regarder. Il y a peut-être encore de l'espoir pour vous, reprend-il après un instant de silence. Un espoir? Mais alors, que faut-il faire? Vous implorez Ulrich de vous en dire plus. Il dit, je connais deux moyens de combattre la lycanthropie. Mais il faut faire vite. Ulrich vous aiderait donc, mais pour quelle raison? Disons simplement que chacun a ses secrets, répondit-il, lorsque vous lui posez la question. Mais ne perdons pas de temps. Le moyen le plus sûr serait de retrouver la bête qui vous a mordu et de la tuer. Sinon, vous pourriez également manger des feuilles de belladone à la condition d'en trouver, ce qui n'est pas facile. Et puis, j'allais oublier, une troisième possibilité serait d'aller trouver grand-mère Zygova, l'être le plus sensé que je connaisse. Elle vit plus loin dans cette forêt, au-delà de la frontière en Lupravia. Mais assez parlé, il faut se mettre en route. Que décidez-vous? Bonne question. Allez-vous poursuivre la meute dans l'espoir de trouver l'animal qui vous a mordu? Faut chercher de la belladone. Allez demander à grand-maman Zygova. Moi, je ne suis pas pour partir après les animaux, non. Aller chercher des plantes dans la forêt, non plus. On va aller voir grand-maman. Mais elle est loin qu'il a dit, hein? On va retourner lire qu'est-ce qu'il dit. Grand-mère, ouais. Elle est l'être le plus sensé que je connaisse. Elle vit plus loin dans cette forêt, au-delà de la frontière, en Lupravia. Bon, ouais, on y va. Allons chez grand-maman. Donc, on va aller chez grand-maman Bi, 302. Ulrich avance dans la nuit à un pas tel que dans la piètre condition... Ah, il vient avec moi, qui est la vôtre. Vous avez du mal à le suivre. Vous haletez. Vous soufflez. Mais votre compagnon ne ralentit pas son allure pour autant. Vous êtes en bien trop mauvaise situation. Et vous continuez, serrant les dents et courant de temps à autre pour rattraper le bûcheron qui vous entraîne de plus en plus profondément dans la sombre forêt. Vous marchez ainsi pendant une heure ou deux avant d'arriver en vue d'une chaumière au mur de pierre. Donc, on arrive chez grand-maman. Sans raccourcir son pas, Ulrich s'est dirigé vers une massive porte de chêne au gond de fer, à laquelle il frappe du manche de sa hache. « Qui est là? Et qu'est-ce que vous voulez? »« Grand-mère, répond votre compagnon, c'est Ulrich, avec un ami qui a besoin de votre aide. » Un minuscule Judas s'ouvre au milieu de la porte. Et deux yeux délavés par la cataracte regardent dehors avant que l'ouverture ne se referme. Puis, vous entendez le claquement de verrou tiré avant que la porte ne s'ouvre enfin. Vous vous retrouvez bientôt chaud face à une vieille grand-maman, au nez long et crochu, ça a l'air d'une sorcière. « Alors, vous êtes venu pour me demander de vous aider? » marmonne grand-mère Zygova. Et sans attendre votre réponse, elle se tourne vers Ulrich qui commence à lui faire le récit des événements. « La lycanthropie est une terrible malédiction, » dit-elle enfin. « Mais dans votre malheur, vous avez eu la chance de rencontrer Ulrich, qui vous a amené ici, quand je peux vous aider. Même si je ne peux vous guérir, le mal a juste commencé à s'établir, et si nous faisons vite, nous pourrons contrer les effets de la salive empoisonnée du loup-garou. Je vais préparer une potion à base de graines de belladone. Mais pour qu'elle agisse encore plus rapidement, « j'aimerais pratiquer une saignée, si toutefois vous êtes d'accord. » Bon, allez-vous laisser la vieille Gribitch faire ce qu'elle vient de vous proposer ou préférez-vous qu'elle ne vous prépare que la potion? On va! Écoute, on a trouvé une grand maman de confiance, on va écouter ce qu'elle veut dire. Donc, envoyez pour la saignée. Tout le monde sait qu'une bonne saignée, ça fait du bien. Donc, allez à la page 335 pour une saignée. Moi, j'y fais confiance. J'y fais confiance jusqu'à temps que je m'en... Après vous avoir fait asseoir, grand-mère Zygova, avec des gestes sûrs, bon, c'est rassurant, relève la manche de votre chemise, puis, se saisissant d'un couteau, elle vous entaille le bras à la hauteur d'une veine, faisant ainsi couler votre sang qu'elle recueille dans un bol. Pendant plusieurs minutes, elle maintient ainsi votre bras jusqu'à vous. Voyant pâlir, elle applique un cataplasme d'herbe sur la plaie avant de vous faire un bandage. Vous perdez 3 points d'endurance. Aïe, aïe, 11. Je suis rendu à 11 points. Je pense que c'était pas une bonne idée, la saignée. Profitant du temps que vous prenez pour vous remettre, la vieille femme se saisit alors d'une fiole fermée par un bouchon et en verse le contenu dans un petit chaudron posé sur le feu, auquel elle ajoute un bouquet d'herbes séchées. Puis, elle laisse sa décoction mijoter. L'air de la chaumière ne tarde pas à s'imprégner d'une odeur acide indéfinissable. Et après une demi-heure, la potion est prête. « Buvez ceci, » vous dit grand-mère Zygova, en vous tendant une louche pleine d'un liquide gris-vert à l'apparence visqueuse. Sans respirer, vous l'avalez d'un coup, et bien que vous n'en ressentiez pas les effets, cette potion agit dans l'instant, ralentissant les progrès de la lycanthropie de votre organisme, ce qui vous permet de soustraire 2 points à votre total de métamorphose. Donc on retombe à 1. On était à 3. Donc on est retombé à 2. Rendez-vous au 382. Alors, je suis guéri? Demandez-vous. Bon, je pense pas que ça va être aussi facile. Vous m'avez vraiment délivré de la malédiction du loup-garou? Mais avant même que grand-mère ait pu prononcer le moindre mot, un hurlement s'est fait entendre dans la nuit, provenant tout près de derrière la chaumière. « Que les esprits nous protègent !» crie-t-elle en triturant son collier où pendent des talismans. « Ils sont de retour !» Ulrich, quant à lui, s'est précipité sur la porte pour s'assurer que le verrou en était bien tiré. D'autres hurlements se sont joints au premier. Aucun doute n'est permis, les loups ont entouré la chaumière. Soudain, quelque chose d'étrange et d'encore plus inquiétant se produit. On frappe à la porte. D'un coup, la peur envahit le visage de grand-mère, alors que la main d'Ulrich s'est resserrée sur la manche de sa hache. Et puis, de derrière la porte, s'élève une voix. « Que vous n'oublierez jamais de votre vie entière. »« Petit cochon, laissez-moi entrer !» dit-elle d'un ton empreint d'ironie. « Va-t'en !»« Va-t'en, créature de la nuit !» rugit grand-mère. Pendant un moment, les seuls bruits à se faire entendre sont les reniflements des animaux rôdant alentour jusqu'à ce que de violents coups de poing ébranlent la porte. « Laissez-moi entrer, misérable porc !» reprend la voix d'un ton rude. Bon, moi je ne l'ai pas fait bien rude, mais bon. « Mes frères et moi voulons partager votre dîner. Si vous ne nous ouvrez pas, je saurai me frayer un chemin pour vous trouver !» ajoute-t-elle comme s'il écumait de rage. Une rage qui se transforme bientôt en un long hurlement bestial. Ils disent un long hurlement bestial repris par la meute tout entière et qui éveille en vous comme une envie forcenée d'y répondre. Lancez 2 dés. Je viens d'avoir 3 et 3, donc 6. Si le résultat obtenu est égal ou inférieur à votre total de métamorphose, il faut que j'aille au 416, mais moi, il est supérieur. Ouais, rendez-vous au 37. On va voir, je pense que j'ai résisté. Soudain, la chaumière se met à trembler sous le coup d'un violent choc qui vient branler la porte verrouillée. C'est tout à fait incroyable, mais il faut vous rendre à l'évidence. Les loups sont passés à l'attaque dans l'intention de pénétrer dans les lieux. Impossible de faire autrement que de porter votre aide pour défendre la damère de grand-mère Zekova dans laquelle on peut pénétrer de 3 façons. On peut pénétrer par la porte par laquelle vous êtes entré et 2 fenêtres. Après avoir décidé de qui va avoir la charge de garder l'une ou l'autre de ces issues, lancez un dé pour chacun des loups contre lesquels vous devez vous défendre, sachant qu'ils sont au nombre de 8. Tabarouette. Fait que, bon, ça va bien. La porte pourra résister à l'assaut d'un loup avant de céder. Ulrich sera capable de tuer 2 animaux avant que le reste du groupe réussisse à pénétrer dans la chaumière. Grand-mère Zekova peut en assommer un à l'aide de sa poêle à frire. Quant à vous, vous les affronterez un par un à la façon habituelle après avoir ajouté 1 point à votre force d'attaque en raison de l'étroitesse de l'ouverture que vous défendez. Les loups y ont 6 d'habileté, 5 points de vie. Si vous êtes vainqueur, vous ne perdez pas un instant pour venir en aide à vos 2 compagnons s'il reste un animal dans la chaumière. Une fois les loups hors de combat, la vieille femme se tourne vers vous et... Bon, ok, voilà. Ok, donc on y va pour le combat. Ok, on y va pour le combat. C'était aussi écrit que j'avais plus 1 à ma force d'attaque. Donc, pour l'instant, mon habileté va être égale à 10 pour ce combat-là. Donc, je dois tirer. C'est quand même compliqué. Si le loup, moi j'ai décidé de défendre une fenêtre, la fenêtre 1. Ulrich, il est devant la porte. La porte, le premier coup, elle va résister un loup, mais après ça, elle va se défoncer. Et après ça, Ulrich, il va être capable de tuer 2 loups. Fait que les 2 premiers qui vont l'attaquer vont être tués, mais après ça, les loups rentrent à l'intérieur. Puis on doit les combattre. Et ensuite, grand-maman, elle peut en tuer 1 avec sa poêle à frire. Donc c'est quand même compliqué. Donc on y va. Là, il faut que je tire un D6 pour savoir le loup, il s'attaque à quoi. J'ai pogné 3. 3 ou 4, le loup saute sur la première fenêtre, c'est moi. Donc, c'est le loup 1. Moi, j'ai 5, 6, 7, 8. 8 plus 10, donc moi, j'ai 18. Et le loup, il y a 6 plus... là, je viens de pogner 7, ça fait... Ok, j'ai plus haut que lui. Fait que le premier loup, il avait 5 points de vie, il tombe à 3. Fait que ça, c'est le loup 1. Donc, on l'a arrêté. Maintenant, 1. Le loup s'attaque à la porte. Donc, porte, je vais mettre... Elle vient de briser. Le loup, elle a résisté au premier loup. Donc, prochain coup, elle va être, les loups vont être face à Ulrich. Ensuite, 5. Le loup saute sur la seconde fenêtre. Donc, le loup, c'est grand-maman qui l'assomme. Elle a le droit à une attaque pour l'assommer. Ça fait que s'il y en a un autre qui repasse par la fenêtre, il se trouve à rentrer en dedans, puis je vais être obligé de le combattre aussi. Mais pour l'instant, elle vient d'en assommer un. On continue. 4. 3 ou 4, c'est moi. Donc, combat. Je pogne 9, ça me fait 19. Les loups, oh, ils ont 10. 10 plus 6, 16. OK, je suis plus haut. Fait que le loup, je viens de tuer le loup 1. Ça fait deux fois qu'il saute. Fait qu'on a déjà deux loups tués. Ça va quand même bien. On continue. 5. Oh, le loup saute par la seconde fenêtre. Fait que le loup, il est rentré en dedans. Fait que là, je vais l'entourer. Fait que grand-maman, malheureusement... Je vais juste relire. Grand-mère peut en assommer un à l'aide de sa balle. Quand vous... Un parent... OK. Une fois les loups hors de combat, ok. Ok, donc je dois continuer. On continue. 1. Le loup s'attaque à la porte. Ok, fait que lui il est tué. C'est un Ulrich vient d'en tuer un avec sa hache parce que là il vient de passer par la porte. 4. 4, c'est moi. Ok, fait que moi je m'attaque. Oh là j'ai eu juste 4. Ça me fait 14. Le loup, faut pas qu'il est trop haut. Il y a 8 plus 6, 14. Ok, on est égal. Égal ou inférieur... Attends, je vais juste retourner juste pour être sûr. Combat. Utilisation de la... Ah oui, je peux utiliser la chambre. Combat. Il vous aurait demandé au long des pages... Lancer 2D. Ce total vous donnera sa force d'attaque. Oui, lancer... Si votre force d'attaque est supérieure, vous l'avez blessé. Si... OK, si est égal, il se passe rien. OK. Ah, c'est ça. Passez à l'étape. Si les deux forces sont égales, chacun avait esquivé les coups de l'autre, vous recommencez. OK, fait que pour ça, il ne s'est rien passé. OK, on continue. Là, je viens de tirer un 1. OK, c'est un loup qui passe par la porte. Fait que Ulrich, il avait le droit d'en tuer deux. Il vient de tuer son deuxième. Fait que prochain coup, le loup va rentrer en dedans. On continue. Je tire un 6. OK, là, seconde fenêtre. Fait que là, il y a un deuxième loup à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Fait que le loup, il est sûr, il s'attaque à grand-maman. Mais il dit, eux, ils n'ont pas de point de vie, Ulrich puis grand-maman. Fait que les loups font comme rentrer à l'intérieur, puis je suis obligé de les combattre à la fin. Ouais, c'est ça. C'est tout ça? Non, c'est compliqué, ces livres-là. Si vous êtes vainqueur... Si vous êtes vainqueur, vous ne perdez pas un animal pour venir en aide à vos deux compagnons. S'il reste un animal dans la chemin. OK, fait que je dois combattre les autres aussi. Fait que là, il y a deux loups à l'intérieur. OK. Fait que moi, je peux m'attaquer au premier, mais les deux, après ça, l'autre va m'attaquer. Fait que là, j'ai eu un 4. Ça me fait 14. Le loup, il y a 6, 7. Fait que moi, j'ai 14. Puis lui, 6, 7 plus 6, il y a 13. OK. Fait que un des loups à l'intérieur, j'ai fait perdre 3 points. Mais l'autre, j'ai eu 14. On va voir s'il me touche. Il y a 5 plus 6, 11. Il me touche pas. OK. Fait que lui, il m'a pas touché. Fait que là, on continue. Les autres. Je viens d'avoir un 4. 4, c'était quoi déjà? 4. Le loup saute sur la première fenêtre. Fait qu'il est face à moi. Fait qu'on doit faire un combat. Pour moi, j'ai 12. Plus 10, j'ai 22. C'est ça que je l'ai. Ouais. OK. Fait que ce loup-là, il passe à 3. Un troisième loup qui essayait de rentrer. Maintenant, je dois combattre contre les deux qui sont à l'intérieur. Je vais m'attaquer. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'en ai un troisième à l'intérieur. Fait que les deux autres, je fais juste ma défense. Fait que là, j'avais combien? J'avais... en tout cas, je vais le retirer. Moi, ça me fait 5... 11. Plus... Ça me fait 21. Puis, OK, le deuxième loup, il y a 7 plus 6 en bas. Puis, il y a 4 plus 6. Fait que les deux me font rien. Mais ils restent là. OK, on continue. 2. Un loup qui passe par la porte. OK, Ulrich, il fait plus rien. Fait que là, il y a... tous les loups sont en dedans. Il n'y en a plus d'or. J'ai plus besoin de tirer pour savoir s'ils rentrent ou non. Fait que là, moi, je suis obligé de les combattre un à un. Fait qu'il faut que j'y combatte le premier, puis les trois autres m'attaquent. Oh, c'est rendu beaucoup. OK. Bon, là, j'ai un 5. Ça me fait 15. Puis le premier loup, il y a juste 4. Fait que 10. OK, fait que lui, il tombe à un point de vie. Mais là, j'ai les trois autres qui doivent battre 15, que je viens de dire. 15. OK. Là, il y a 7. 7 plus 6, non, c'est en bas de 15. 6 plus 6, 12, c'est en bas de 15. Puis là, il y a 2. OK. Nouvel assaut. Moi, j'ai 7 plus... OK, ça me fait 17. Le premier loup, il y a 8 plus 6, 14. OK, fait que je viens de tuer le un des loups. Mais j'en ai 3 autres qui m'attaquent, puis ils doivent battre 17. 8 plus 6, 14, non. 8 plus 6, 14, non. Puis un dernier, 6 plus 2, encore 8, 14. Ils ont eu 14 3 fois, non. Maintenant, il me reste juste 3 loups. On continue. Là, j'ai 5, ça veut dire 15. Moi, j'ai 15. Le loup, il y a 8 plus 6, il y a 14. Il passe proche de m'avoir. Fait que là, il perd 2 points, il est à 3. Les autres, est-ce qu'ils vont avoir 14 ou plus? Là, il y en a un qui a eu 6, il y a eu 12, non. Puis il en reste un, il y a 4 plus 6, 10, non. OK, on continue. Moi, ça me fait 8, 18. Une chance, j'ai beaucoup d'habilité. Puis on a un bonus, ils nous ont donné un bonus de 1 parce que c'est petit dans la pièce, puis les loups ont de la misère. Oh! OK, là, il y a 6, 7, 8, 9. 9 plus 6, il y a 15. Non, il est en bas de 18. OK, fait qu'il tombe à 1 point de vie, puis les deux autres m'attaquent. Il y en a un qui a 10, ça il fait 16, c'est en bas de 18. Puis l'autre, il y a 7 plus 6. Non, ça fait en bas de 18. OK, on continue. Moi, ça me fait 5, 6, 7, 8, 18 encore. Puis l'autre, le loup, il y a juste 4 plus 6, 10. OK, fait que le loup est mort. Il en reste 2. Là, les deux m'attaquent. 5, 6, 7, 8 plus, ça fait 14, c'est en bas de 18. Oh, là, lui, il a eu 2 fois 6. Ça fait 12 plus... C'est égal. 18 est égal. Donc, c'est comme si qu'il n'y a rien se passait. On esquive l'un et l'autre. Maintenant, j'affronte un des loups, puis il y en a un autre qui va m'attaquer. J'ai eu juste 2. Ça me fait 12. Là, je pense que je vais prendre des dégâts. Maintenant, le premier loup, il y a 10. Fait que lui, ça y fait 16. Je prends 2 de dégâts. Je tombe à 9 de dégâts. Le deuxième loup, 6, 6, oh, aïe, aïe, j'en perds 2 encore. Je tombe à 7 points de vie. Aïe! Là, j'ai perdu beaucoup de points de vie. On continue. Là, j'ai eu 10. Ça veut dire que ça me fait 10 plus 10, ça me fait 20. Je devrais être bon avec un 20. Je viens de perdre un dé à terre. Ça veut dire que j'ai 3 plus 4, 7. Fait que 17, c'est en bas. Fait que ce loup-là, lui, il était déjà à maganer. Il reste 1 point de vie. L'autre, est-ce qu'il me touche? 4. C'est plus 5, ça fait 9, ça fait 15. Puis moi, j'ai 20, non. OK, là, à moi, 1 plus 5, ça fait 6, j'ai 16. Et le loup, 3 plus 6, 9. 9 plus 6, ça fait 15. Il est juste en bas, fait que je le tue. Le dernier essaie de me mordre. 3 plus 7, ça fait 13. C'est en bas de mon 15, c'est correct. Dernier combat face à face. Moi, j'ai 1 plus 6, j'ai 7, 17. Le loup, il y a 6, ouch. 7. Fait que, ok, il est en bas. Fait que là, j'ai fait un premier 3 de dégâts, il tombe à... Un premier 2 de dégâts, il tombe à 3. Il va être dur à tuer. Là, j'ai 2 plus 2, j'ai 14. Pour le deuxième combat, lui, il y a 2 plus 3, il y a 5. C'est plus 11, ça fait 11. J'ai refait 2. Fait qu'il tombe à 1. Ok. Fait que, ok. Là, ça me fait... J'ai 1 puis 3, ça me fait 14. Et le loup, 4... Plus, il y a 9. Lui, il tombe à 15. Oh, il me fait 2 de dégâts. Ouch! Je tombe à 7. 5! Vas-tu mourir? Un nouveau combat. 4, 5. 5, ça veut dire qu'il me fait 15. Puis le loup, il y a, ouch, 6. Puis 6. Il fait 18. Je mange encore 2 de dégâts. Je suis rendu à 3 points de vie. Je pense que ça va pas bien. 5. Ça fait 8, 18 pour moi. Puis le loup, 6, plus, ça fait 9, ça y fait 9 plus 6, 15. Il est en bas et on vient de le tuer. On a tué nos 8 loups, mais ça, je suis à 3 points de vie. Moi, je pense qu'on va être obligé de manger des rations plus sacrées. En tout cas, je vais aller lire. Si vous êtes vainqueur, vous ne perdez pas un instant pour venir en aide à vos deux compagnons. S'il reste des os, c'est ça qu'on a fait. Une fois les loups hors de combat, la vieille femme Gribitch se tourne vers vous et en fixant de son regard aigu, il vous dit « Parlez-moi encore de cette créature, celle qui vous a attaqué. Si vous possédez un anneau portant un sceau, rendez-vous... » Oui, on a l'anneau. Allons au 369. Mais avant, je mange une potion. Okay? On va faire 9 repas. Ça m'ordonne 4 points de vie, je tombe à 7. Ça, on peut les prendre quand on veut. Fait que 369... Je sais pas si c'était une bonne idée de le prendre maintenant, mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Puis, je prends pas de chance, je le mange avant d'y montrer la langue. Vous racontez à grand-maman comment Ulrich a trempé la patte de l'eau. Montrez-moi cet anneau, dit-elle, alors pensive. Puis là, la sortant de votre sac, vous lui le tendez. À sa vue, elle ne peut réprimer un mouvement de surprise. Le sceau des Wilfen, la maison répugnante de Lupravia, dit-elle alors dans un souffle. Lupravia est une terre damnée, de même que la famille qui y règne, poursuit-elle d'une voix qui a retrouvé toute sa fermeté. Nombreuses et terribles sont les histoires tournant autour du Wilfen, histoires de meurtre, de folie. Leur château s'élève dans une région retirée du pays, au pied du mont Orsov. On dit qu'il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Voilà longtemps. On raconte aussi dans les rues de Wolfenstein, le village qui se trouve à proximité, qu'il y a l'ère des monstres et que les habitants vivent dans une terreur permanente, leurs nuits résonnant de hurlements de loups. Et pire encore, les malheureux ne s'aventurent jamais très loin de chez eux. Et pourtant, la démence du prince Garou de la maison Wolfen est connue jusqu'ici. On dit qu'il préfère la compagnie des bêtes sauvages à celle des hommes. Et d'après les événements survenus cette nuit, je ne suis pas loin de penser que la malédiction qui pèse sur la famille est celle du loup-garou. C'est Garoul qui vous a contaminé. Et pour vaincre cette malédiction, vous n'avez qu'une alternative, vous mettre en chasse, le retrouver et l'exterminer. Vous devez détruire le chef de la lignée des garous avant la prochaine pleine lune. La dernière information que vient de vous donner grand-mère Zegova est capitale. Il vous faut à tout prix trouver celui qui commande tous les garous, le seigneur garou lui-même, pour parvenir à vous débarrasser de la maladie maudite que le loup-garou vous a transmise. Après avoir noté le code invoqué sur votre feuille d'aventure, rendez-vous au 124. Code invoqué. Pourquoi on connaît ce code? J'imagine que c'est parce qu'on a passé par grand-maman. Donc, allons au 124. Je pense que je vais remanger une ration. Alors, allons-y. Ne soyons pas chiches sur les rations. 4 points de plus. 7 plus 4, on retombe à 11 points de vie. Mon max, bon, j'en prends une autre, 7. On se bourre la face. Je retombe à 15. J'aime autant être proche de tous mes points de vie. Parce qu'on a vu qu'un combat contre 8 loups, ça va pas très bien. Puis, de toute façon, les rations sont là. Si on arrive au village, on en rachètera. Rendez-vous au 124. Bon, on va aller au 124. Après avoir fait vos adieux à grand-mère Zebrocha, j'ai dit adieu en lui montrant ma figurine de nain. Puis là, elle me demande c'est quoi le nom de ce petit nain-là. Eh bien, il s'appelle Tatou. Tatou, c'est le nain qui était sur l'île Fantastique, donc il est avec nous, grand-maman. Il nous porte chance. Donc, là, Ulrich, à vos côtés, bien décidé à vaincre le mal qui vous ronge et mettre fin à ce cauchemar. Trouver les traces du passage des loups n'est pas très difficile, et bientôt, vous dévalez un chemin en prenant garde de ne pas vous prendre les pieds dans les racines qui y affleurent. Au loin, des jappements et des hurlements commencent à se faire entendre. Soudain, un grognement rauque s'élève non loin de vous. Vous arrêtez en net, vous voyez surgir de l'obscurité, noyant les arbres, le loup noir. Et cette fois, il semble que vous lance manger, que ce soit Ulrich sa cible. Oh, il veut s'attaquer à Ulrich. En effet, et avant même que vous ayez pu réagir, l'animal a bondi et a refermé sa gueule sur la gorge du bûcheron. Glacé d'horreur, vous voyez alors la bête se relever avant de se dresser sur ses pattes arrière. Et ce qui vous fait maintenant face n'est plus tout à fait un loup, mais presque un homme, même si son corps est couvert de longs poils noirs. Si son visage est allongé comme une gueule, si de longues oreilles pointues sont dressées de chaque côté de sa tête. Les babines frémissantes, le loup-garou se met à pousser de sourds grondements, découvrant ses puissants crocs rouges du sang de votre ami. Vous allez l'un et l'autre combattre jusqu'à la mort. Bon, le loup-garou, il a 7, il est de plus en plus fort, là, les ennemis, là. 7 d'habileté, 7 points d'endurance. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 229. Si vous êtes mort, ben restez mort. Donc, on est prêt, on y va. Il faut battre un loup qui est 7-7. Donc, moi, j'ai 5. J'ai pas de bonus cette fois-là. Donc, moi, 9 plus 5, ça me fait 14. C'est pas très haut. Le loup, il y a 7 plus 4. Il y a 11. Donc, j'ai fait un premier 2 de dégâts. Il tombe à 5 points de vie. On recommence le combat. Moi, j'ai 5 et un 3, ça fait 8. 8 plus 9, ça fait 17. Le loup, oh, il y a 9, ça y fait 16. Il est 1 en dessous de moi, donc il perd 2 points. 3. Ensuite, on continue. Moi, j'ai 6 plus 4, j'ai 10. 19 pour moi. Le loup, il a 5 plus 3, ça fait 8 plus 7, ça fait 15. Donc, il est rendu à 1 point de vie. C'est un combat qui va bien aller, j'ai l'impression. Là, j'ai 7, ça me fait 16. Peut-être qu'ici, il va être plus fort que moi. Non, il y a 5, 6, 7, il y a 14. Il y a 2 points de moins. Et le loup meurt. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 229. Allons-y. En chantant. Hi-ho, hi-ho, nous partons, nous. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho. Donc, on chante une petite chanson de nain en arrivant au 229. Un coup des plus habiles et votre lame s'enfonce jusqu'à la garde dans la poitrine du loup-garou, lui transperçant le cœur. Poussant un dernier hurlement, la bête s'affaisse sur le sol. Sans attendre, vous vous tournez vers le malheureux bûcheron qui lui aussi gît à terre pour lui porter secours. Mais vous vous arrêtez net. Au cours de la nuit, vous avez fait face à plus d'une reprise. Vous avez fait face à plus d'une reprise à la bête qui se trouve à vos pieds. Êtes-vous bien certain qu'elle est cette fois vraiment morte? Si vous voulez en avoir la certitude, rendez-vous au 35. Mais si vous jugez plus urgent de vous préoccuper de le riche, allez au 107. Ben moi, je pense que je l'ai tué. Fait qu'on va s'occuper de le riche tout de suite. Allons au 107. Faut s'occuper de ses amis. Allons-y, 107. Vous précipitant vers Ulrich, vous poussez un soupir de soulagement en constatant qu'il est toujours en vie. Pourtant, il a quelque chose qui ne va pas, mais quoi? Et soudain, à la lueur de votre lanterne, vous réalisez que ses yeux sont devenus rouge sang et que son visage est en train de se boursouffler comme si la structure des os sous sa peau se modifiait. Se tournant vers vous, le boucheron ouvre difficilement la bouche et dit « Partez !» Le seul mot que vous puissiez comprendre avant que sa voix ne se transforme en grondement baissé. Ah non, il est en train de se transformer. C'était-tu un loup-garou? Dans l'incrédulité la plus totale, vous ne pouvez quitter des yeux le pauvre Ulrich dont le corps, débarrassé de ses vêtements dont les coutures viennent de craquer sous un volume qu'il ne pouvait plus contenir, est en train de se métamorphoser d'une horrible façon. Une fourrure brune le couvre maintenant entièrement, alors que sa tête, dont la taille a doublé, est à présent dotée d'un fort museau. Ses membres sont, eux, devenus de puissantes pattes. Lui aussi a changé de peau, mais sa peau d'homme a laissé place à celle d'un ours. Poussant un grondement féroce, il se dresse sur ses pattes arrière et se jette sur vous. Vous n'avez pas d'autre choix que de combattre celui qui fut votre ami. C'est un ours-garou 8, puis il a 10 points de vie. Aïe, aïe. Terriblement dangereux lorsqu'il est courroucé, Ulrich, l'ours-garou est un formidable adversaire. Ben oui. S'il vous blesse à plus de 2 reprises, ajoutez 1 à votre total de métamorphose. OK. Donc, on doit combattre M. Ours-Garou, qui était anciennement Ulrich. Donc, je vais écrire qu'il y a 8 et il y a 10 points de vie. Allons-y. Moi, j'ai 9. Hey, on est quasiment égal. Ça va être tough. J'ai bien fait de manger mes rations. Allons-y pour moi. J'ai un petit 5. 5 plus 9, ça me fait juste 14. On l'écrit ici. Puis pour lui, oh, j'ai pogné 1 puis 1. Fait que c'est sûr que... OK. Fait qu'il tombe à 8. Il fait pas. Je pourrais utiliser des points de chance si je veux. Les points de chance, si j'ai en bas de ma chance, j'y fais plus de dégâts. Je pense que c'est le temps de l'utiliser parce qu'il est quand même fort. Ok, allons-y avec la chance pour bien jouer. Je vais juste retourner au début. Endurance, habileté, équipement, métamorphose, chance. À plusieurs reprises au cours, lors de combats ou d'un point dans la chance, vous aurez la possibilité de faire avance ou pas. Oh, je peux pas utiliser ma chance. Ah, ben peut-être que oui, je vais aller dans le combat. Il vous sera souvent demandé au combat. Voyons, le combat se déroule ainsi. Varan Verasso, en revanche, s'il s'agit de vous, dans le chance, à plusieurs reprises au combat, lors de combat. Ou dans les scènes qui vont être dans la chance ou dans ma chance. Vous. Ok. C'est ça. Fait que j'ai le droit de l'utiliser lors des combats. À certains, il vous sera demandé de tenter. Vous serez averti que ce qui vous arrivera, chanceux ou malchanceux. Lors des combats, cependant, vous pourrez toujours choisir d'utiliser votre chance. Si vous tentez votre chance, ça va me coûter 1 point de chance. Puis vous lui infligez une blessure plus grave et pouvez ôter 2 points de plus à son total. Ok, je l'essaie. Pour être malchanceux, égal ou inférieur. Je tire 2 dés, il faut que j'aille en bas de 8. J'ai pogné 6, 7, 8, 9. J'ai pogné en haut. Fait que là, je retombe à 7. Puis là, au lieu d'être chanceux, je suis malchanceux. Fait que au lieu qu'il perde 2 points de vie, il en perd juste, un. Fait qu'il retombe à 9 au lieu de 8. Fait que là, je vous le dis, faut pas utiliser la chance. C'est dangereux. Bon, ça, c'est à cause de notre nain, notre figurine de nain. Je la tire à terre, je la martèle un peu, mais je la remets dans ma poche, OK? Il nous a pas porté chance. OK, on continue à l'attaque. Là, je prends 5, 6, 7, 8. On va bien faire ça, là. Là, ça me donne 17. Lui, 5, 6. 6 plus 8, 14. Plus bas, OK. Il tombe à 9, moins 2, 7. On continue. Pour moi, un 6 puis un 6. Ah, j'ai 12, c'est sûr. Oh! Il a pogné 6 puis 5. Il y a une chance, j'ai eu haut. Mais il perd quand même. Il était à 7, il tombe à 5. Maintenant, pour moi, encore 6 puis 5. Puis pour lui, 3 puis 2. Il tombe à 3 points de vie. Maintenant, pour moi, 1 puis 1. Ça va être la mort. Ben, je vais perdre des points. Ah, il y a eu 6 puis 6. OK, je perds 2 points de vie. Et je note que je viens d'être attaqué une fois. Parce que ça peut faire... ça peut toucher mon chose de métamorphose. On continue. Là, j'ai eu 6. Ça me fait 6 plus 9. Ça me fait 15. C'est bas. Lui, il y a 6, 7, 8. 8 plus 8, ça fait 16. Il me touche. Aïe, aïe. Je perds 2 points. Je tombe à 11. Et là, je vais perdre... C'est quoi qu'il disait? S'il vous blesse à plus de 2 reprises, ajoutez 1 à votre total de métamorphose. J'avais 1, j'avais rebaissé à 1, mais là, je remonte, je mets à 2. Et on continue le combat. J'ai pogné 8 pour moi, donc 9 plus 8, ça me fait 17. Le loup-garou, 3 plus 1, 4 plus 8, OK, en bas. Il reste 1 point de vie. Pour moi, 10, fait que 19 pour moi. Lui, il y a 3, fait 11. Fait que je viens de le tuer. Donc, on a réussi à tuer notre ami Ulrich. Et si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 200. Mais avant de se rendre au 200, il y a une petite pause dans nos commanditaires. Nos invités arrivent à l'heure précise, à la seconde près. C'est ce qu'ils font toujours, et vous avez toujours l'air de croire à un miracle. Mon cher Tatou, quand chaque invité doit payer 50 000 dollars pour un séjour de 3 jours à l'île fantastique, je considère que c'est un vrai miracle. D'accord, patron. Donc, ce podcast, c'est commandité par l'île fantastique qui vous invite, si vous voulez vivre une aventure dont vous êtes le héros, à payer 50 000 $ et vous pourrez aller passer un beau petit 3 jours sur l'île fantastique en compagnie de Ricardo Montalban et de Hervé Vilches. Donc nous, on avait vaincu Ulrich et ça disait de se rendre au paragraphe 200. Le cœur brisé, vous vous agenouillez à côté d'Ulrich qui, à l'agonie, est en train de retrouver son apparence humaine. Il ne faut pas vous en vouloir, mon ami, a-t-il encore la force de dire. Nous avons tous nos secrets et je vous remercie de m'avoir délivré de cette terrible malédiction. Et ça, c'est ses derniers mots. Des mots qui vous soulagent, mais ils vous attristent tous, tout à la fois. Car le pauvre homme vous en aura rendu des services en si peu de temps. Et que lui avez-vous offert en échange? La mort. Alors que le soleil se lève enfin, perçant la brume entre les arbres, vous enterrez le bûcheron, posant sa hache sur le monticule. Vous quittez les lieux le cœur lourd parce que vous avez dû enterrer un homme bon, quels que soient les sombres secrets qui ont pu troubler son âme. Bien que vous ayez tué le loup-garou qui vous a infecté, il est clair que l'affliction vous ronge toujours. Oh non! Épuisé, vous vous allongez pour dormir, tandis qu'un soleil aqueux, c'est un soleil d'eau, se traîne dans le ciel derrière un voile de nuages gris. La nuit a été éprouvante et malgré les soucis qui vous traversent l'esprit, vous réussissez à dormir, bien que vos rêves soient assaillis par des visions d'Ulrich se transformant en ours sauvage. Lorsque vous vous réveillez, raide et endolori après avoir dormi sur le sol de la forêt aux racines nouées, le soleil se couche à nouveau dans le ciel. Il vous faut faire vite maintenant car la nuit de la pleine lune est pour bientôt et vous devez absolument trouver qui est le chef de la lignée des loups-garous. Tout au fond de vous, vous avez... Moi, je pense que je suis en train de me transformer. Je t'arrête pas de te... J'ai un loup-garou dans la gorge. Tout au fond de vous, vous avez la certitude que c'est en Lupravia que se trouve la réponse aux questions que vous vous posez. Marchant d'un beau pas en direction de l'est, vous finissez par atteindre la lisière de la forêt sur la frontière la plus à l'ouest de la principauté. Vous traversez maintenant une lande de bruyères et d'ajoncs où ne se fait entendre aucun chant d'oiseaux, ce qui vous met mal à l'aise. Au loin se dressent des pics montagneux, véritables murs de roc protégeant l'ancienne principauté, séparée de l'endroit où vous êtes par de sombres forêts, des landes marécageuses et de profondes gorges. Niché à l'entrée d'une étroite vallée où vous ont porté vos pas, un petit village dresse ses demeures grises aux toits noirs et pointus, serrées les unes contre les autres comme pour se protéger de ce qui pourrait surgir des paysages sauvages alentour. Il y a bien du stock. Des champs pierreux incultes se voient ça et là, rendant les lieux pour le moins peu hospitaliers. Alors que vous n'en êtes plus très éloigné, une pancarte pendante vous informe que vous approchez de Strigoiva. Au-delà du village, il vous est impossible de savoir que la route qui la traverse se divise en trois. Si vous désirez passer par Strigoiva, rendez-vous au 116. Mais si vous n'avez nulle envie de faire connaissance avec les autochtones, vous pouvez contourner le village pour ensuite prendre une route se dirigeant vers le nord, une autre vers l'est ou un chemin défoncé partant en direction du nord-est vers une forêt distante d'environ 1 km ou 2. Je le sais pas vous, mais moi j'ai le goût d'aller faire un beau petit dodo en ville. Donc, si vous désirez passer par Strigoiva, rendez-vous au 116. Je pense que c'est la bonne idée. Tu sais, on a de l'argent, on va aller se racheter des rations. 116. En tout cas, j'espère que les gens ne seront pas méchants. Allons en ville. 116. On y va. 116. Marchant entre de hautes maisons à pignon, vous parvenez sur la place du village où se presse une foule bruyante, portant bêches, fourches, faux et autres instruments utiles à la culture. Oh, là, c'est peut-être pas une idée vu que j'ai été mordu. Mais qui pourrait se révéler de redoutables armes? Votre présence étant peu à peu découverte, le silence se fait alors que tous les yeux se tournent vers vous, ce qui provoque en vous un sentiment d'inquiétude des plus désagréables. C'est alors que, se détachant de la foule, un homme d'âge moyen maigre, aux rares cheveux gris et portant une cotte de maille sur sa tunique de cuir, se dirige vers vous. Sans doute tient-il les mains bien ouvertes devant lui pour montrer qu'il ne vous veut pas de mal. Mais l'épée qui passe à son côté, le regard noir qu'il vous jette, suggère qu'il serait puéril de le sous-estimer. « Bonjour, l'ami, » dit-il. « On ne voit pas souvent d'étrangers par ici. D'où venez-vous et que pouvons-nous faire pour vous? » Eh bien, qu'allez-vous lui répondre? Allez-vous lui raconter la vérité? Non, pas sûr. Préférez-vous lui dire que vous vous rendiez de Pritzad à Sarven et que, quittant la route, vous vous êtes perdu dans la forêt? Ou bien allez-vous tenter de lui faire croire que vous êtes un mercenaire à la recherche de ce qui serait apprécié vos services? Je crois que je vais dire que vous vous rendiez à Pritzad à Sarven et que, quittant la route, vous vous êtes perdu. Je vais dire que je suis perdu. Parce que j'ai pas le goût de dire la vérité. Ils vont me tuer s'ils apprennent que je suis un loup-garou, que j'ai été mordu. Donc, allons au 135. Un petit mensonge. Est-ce que ça fait du mal, un petit mensonge? On va le savoir au 135. Alors, vous êtes perdu! Pendant tout le temps où vous racontez votre histoire, l'homme ne sait pas, son regard devenant plus sombre. Cherchant à le convaincre, vous agrémentez votre récit de nombreux détails. En fait, vous ne mentez pas vraiment. Disons que vous prenez seulement un peu de distance avec la vérité. C'est écrit « Tentez votre chance ». Donc, j'imagine c'est pour savoir s'il va nous croire. Donc, on doit avoir en bas de 7 parce qu'on n'a pas beaucoup de chance. Donc, sur 2D, en bas de 7, j'ai eu 4. Et quoi, l'autre chiffre? J'ai eu 2, j'ai eu 6 en tout. Donc, j'ai été chanceux. Si vous êtes chanceux, rendez-vous au 268. Donc, il accepte notre mensonge. Espérons-le! 268, j'arrive. Et donc, me voilà. Mercenaire à la recherche d'un travail honnête, susceptible de me permettre de m'offrir un lit confortable et un repas de qualité dans une bonne auberge. Oh ben. Heureux d'avoir trouvé une si belle chute à votre histoire, vous jetez un coup d'œil sur l'homme qui vous fait face et qui, lui, ne vous a pas quitté du regard une seconde. « Vous avez bien parlé d'une épée à louer !» dit-il pensivement. « Eh bien, » ajoute-t-il d'un ton plein d'entrain, « vous êtes tombé au bon endroit. Mais vous devez mourir de faim après ces longs voyages. Venez, le feu qui brûle au cochon de lait va vous réchauffer jusqu'à la moelle des os. » Sans vous faire prier, vous suivez l'homme qui vous dit Il s'appelle Conrad et être le bourgmestre de Strigdovia. On le suit jusqu'à l'unique taverne. Installé d'office à une table et dévorant le plat, un ragoût de mouton qui a été mis devant vous et qui vous fait gagner 4 points d'endurance. Oh! On était à 11, on retombe à 15. Notre maximum est de 16. C'est juste bien. Vous écoutez ce que Conrad a à vous dire. Nous traversons des temps maudits, mon ami. Strigdovia en souffre beaucoup, plus que bien d'autres villes ou villages. Il y a la voix de Félix Leclerc. Il va se mettre à chanter. C'était un petit bonhomme. Non, il dit, tous les soirs, nous subissons les attaques d'une véritable armée de fantômes. Des fantômes? Ce seul mot a suffi pour que Conrad capte toute votre attention. Quel fantôme? Non, ça c'est moi. Quel fantôme, lui demandez-vous? Des spectres parmi les pires qui soient. Tout d'abord, il y a le chouk qui terrorise les pèlerins sur les landes de l'Ouest et retient pratiquement le père Conrad prisonnier dans la chapelle abritant la source de bonne santé. Et puis, il y a aussi le brigand sans tête. Lui, c'est sur la route du Nord, en direction de Belcy, qu'il attend les voyageurs trop imprudents et qui s'y risquent. Exactement là où il les terrorisait déjà lorsqu'il était encore en vie. Mais le pire de tout est le hurlement qui pénètre jusque dans nos foyers chaque nuit. Nous en avons assez. Lorsque vous êtes arrivés, nous nous préparions à aller au-devant de cette bande de démons pour les chasser ou mourir en essayant. Votre aide serait vraiment la bienvenue et nous saurions vous récompenser à la hauteur de nos modestes moyens et par une chanson à la fin. C'était un petit bonheur! Non, bon. Si vous décidez de rester pour aider les villageois dans leur lutte contre ce hurlement, quelle que puisse être son origine, rendez-vous au 40. Sinon, rendez-vous au 434. Est-ce qu'on aide les villageois? Est-ce que je veux les aider? Est-ce que vous les aideriez? OK, on va tirer un dé pour vous, là, pour vous m'aider. Si c'est pair, vous décidez que je les aide. Si c'est impair, vous décidez que je les aide pas. On tire le dé pour vous. C'est pair. J'ai dit quoi? Si c'est père, je les aide. OK, on les aide. Bon, rendez-vous. Sinon, si vous décidez de rester pour les aider, rendez-vous au 40. Bon, vous l'avez dit, vous l'avez choisi. C'est vous qui l'avez décidé. On s'en va au 40. 40. Bon, nous avons encore un peu de temps avant le coucher du soleil, dit Conrad. Reposez-vous un moment et mangez tout à votre aise. Et sans ajouter un mot, il vous tient compagnie pendant que vous avalez, sans vous faire prier votre plat de ragoût. Diverses choses mentionnées par votre hôte ont tiré votre attention. Aussi à peine avez-vous terminé votre repas que, voulant en savoir plus quant aux troupes qui agitent Strigdovia, vous décidez de lui poser quelques questions. Allez-vous lui demander ce qu'il sait à propos du brigand sans tête, du choc, des villes ou villages voisins de Strigdovia ou du hurlement? Enfin, il y a un petit bout. Enfin, si vous avez noté le code invoqué sur votre feuille d'aventure, peut-être voulez-vous lui poser une autre question. Dans ce cas, rendez-vous au 61. On va utiliser notre code. On a le droit de poser une autre question. On va en profiter. 61. Vous remémorant les histoires de grand-mères et gobas, que les histoires que la vieille Bicrebitch vous a racontées, allez-vous demander à Conrad si c'est quelque chose à propos de la maison Wolfenstein, du village de Wolfenstein ou des loups-garous errants dans le pays? Ben, je vais poser une question à propos de la maison Wolfenstein et du prince dément. Rendez-vous au 283. On va peut-être apprendre quelque chose de pertinent. Tout le monde connaît le nom de Wolfen, et c'est vrai, j'ai entendu parler du prince dément. Garoul, sans oublier son frère, le comte Varkolak, qui est le chef de la famille maintenant. Oh, c'est Varkolak le chef. Maintenant, je ne saurais faire la part du mythe et de la réalité, vous répond Conrad. J'ai entendu dire que Garoul avait été enfermé tout en haut d'une tour du château et que c'est son emprisonnement qui l'aurait rendu fou. On rend compte qu'il ne se nourrit plus que de viande crue et qu'il hurle lorsque la pleine lune monte dans le ciel de la nuit. Rendez-vous au 395. 395. Alors que le jour commence à tomber, vous quittez l'auberge en compagnie de Conrad pour vous rendre sur la place où sont rassemblés les villageois. Ils sont armés d'arcs et de flèches. Ils sont équipés de haches, de courtes épées et même de fourches. Tout ce qu'ils ont pu trouver à se mettre sous la main. Voilà trop longtemps qu'ils sont assaillis par des spectres. Et cette nuit, ils ont l'intention d'expédier tous ces monstres au diable une bonne fois pour toutes. Conrad à leur tête, ils se mettent en route en direction du sud. En quittant la place, vous voyez les chasseurs plonger leur arme dans un récipient de pierre plein d'eau posé à la porte d'une bâtisse au mur recouvert de galets et au toit en forme de dôme jauni, d'un jaune d'or terni. Faisant cela, ils marmonnent pour eux-mêmes des mots incompréhensibles et font des gestes curieux avec leurs mains. Certains vont même jusqu'à s'asperger d'eau. Bientôt, votre tour est arrivé de passer devant le récipient. Allez-vous y plonger le bout de votre épée? Vous aspergez le visage d'eau? Ou préférez-vous ne rien faire? Je vais y plonger le bout de mon épée. Oh, d'après moi, c'est de l'eau bénite. 407. Pour faire comme tous vos compagnons, vous plongez la lame de votre épée dans l'eau sans avoir la moindre idée de ce qui pourrait en résulter. Allez-vous maintenant vous asperger le visage? Oh, oui, 437 ou simplement... Oh, voyons, le visage aussi. Si je peux en boire, je vais en boire aussi. Puis je peux même mettre mon amulette de nain là-dedans. Là, il faut que j'aille au 437 si je me mets à face. 437. Vous plongez la main dans l'eau glacée et dans le même mouvement, vous vous aspergez le visage. Ce qui, dans la seconde, vous fait hurler de douleur. Tant les brûlures que vous ressentez sont atroces. Vous perdez 2 points de vie. 13. J'avais pas pensé à ça, moi, que j'étais un loup-garou en train de me transformer. Regardant vos mains, vous constatez avec horreur que leur peau est parsemée de cloques, comme si elles avaient été plongées dans de l'eau bouillante. Et vous tremblez en imaginant que votre visage... Il y a plein de pièges dans ce livre-là. Je me suis fait avoir. Et vous tremblez en imaginant que votre visage puisse être ainsi. Aucun des villageois ne semble avoir vraiment ressenti quoi que ce soit. Il faut vous rendre à l'évidence, vous êtes différent des autres. L'eau contenue dans le récipient de pierre est bénite. En tant que... Je savais. En tant que créature de la nuit, elle ne pouvait... vous être que néfaste. Vous perdez un point de chance aussi. Bon, oui, c'est ça. Tombe à 6. Peu à peu, la douleur s'estompe et vous courez derrière les chasseurs pour les rattraper, pourtant, portant encore les traces de votre cruelle mésaventure. Rendez-vous au 497. Bon, c'est de la merde, ça. J'aurais pas dû... Moi, j'étais tout content de faire comme tout le monde. OK, fait qu'on le sait, là, on est en train de se transformer. Faut faire attention. 497. Mais il est un petit peu tard. J'ai perdu 2 points de vie. En compagnie des chasseurs, vous quittez le village en direction du sud. Puis là, parvenu à l'extrême limite des champs où des feux ont été allumés dans des braseros, vous vous arrêtez à la hauteur d'une tour de garde grossièrement bâtie en bois face à une rangée d'arbres. Mais c'est vous autres qui vous vouliez que j'y aide, c'est votre faute. Ils viennent toujours de par là, murmure Conrad. Et vous attendez. Le temps passe long et ennuyeux sans qu'il arrive rien de particulier jusqu'à ce que vous entendiez au loin une cloche sonner les 12 coups de minuit. Alors, pour la première fois, vous entendez le hurlement. D'un coup, les battements de votre cœur s'accélèrent et une sueur froide vous glace le front. « Ils arrivent !» crie Félix Leclerc. Tous vos sens sont tendus, les yeux cherchant à distinguer quelque chose dans la nuit faiblement éclairée par les seules lueurs des feux d'encens des braseros. Il vous semble tout d'abord apercevoir des langues de brouillard virevoltées et se tordent entre les troncs des arbres. C'est vraiment des fantômes. Un brouillard léger, mais qui peu à peu s'apaisit, prend les formes immatérielles de créatures ayant l'apparence de loups aux longs crocs acérés et aux puissantes griffes prêtes à déchiqueter. Terrible, le hurlement n'a pas cessé. Lancez 2 dés. J'ai eu 4 et 3, j'ai eu 7. Si, lancez 2 dés, si le résultat obtenu est égal ou inférieur à votre total de métamorphose. Es-tu égal ou inférieur? Moi, métamorphose, j'ai 2. Mais là, c'est en haut. Non. S'il est supérieur, rendez-vous au 298. Je pense que c'est bon. J'ai de voir en haut. On va le voir dans 2 secondes. Sinon, c'est votre faute. C'est vous autres qui m'avez envoyé en ville. Qui m'a dit des 298. On tourne les pages, c'est bien ça, 2, 9, 8. Ouais. Devant vous, le brouillard s'est encore épaissi, avant de se contracter pour se transformer en une créature de cauchemar. Tout en elle est l'exagération macabre de ce qu'est un loup dans le monde réel. Des crocs longs comme des lames de dague, des griffes telles des lames de faux aux extrémités en forme d'hameçon, des yeux de braise ardente, sans oublier son incessant hurlement. Vous n'avez pas d'autre choix que d'affronter le chef de la meute. Ben oui, c'est tout le temps moi qui affronte. Si vous avez trempé votre épée dans de l'eau, oui, avec mes mains, auparavant, rendez-vous au 276. Au moins, on a trempé l'épée. Au moins! 276. Lorsque vous avez plongé votre épée dans le récipient plein d'eau à l'extérieur du bâtiment en dôme en forme de bulbe, vous ignoriez qu'il s'agissait d'une eau sacrée provenant du temple du village. De ce fait, votre arme est maintenant apte à frapper un spectre. Vous gagnez un point de chance. Ah ben c'est bon ça, on en remonte. Maintenant, à vous de montrer que vous êtes de quoi vous êtes capable. Le loup spectral, il a 7 d'habileté et il a 8 points de vie, d'endurance. Allons-y! Donc, pour moi, je pogne 10. Donc, moi, j'ai 19. Le loup, il a 7 plus 8. Il a 15. J'ai fait pas. Il perd 2 points de vie. Il est à 6. Pour moi, j'ai 11. Ça me fait 20. Hey, je pogne des gros chiffres. Lui, il a 8 plus 7. Ça lui fait 15. Je le bats. Il tombe à 4. Moi, j'ai 7. Ça me fait 16. Là, je suis très bas. Lui, il a 6. 7 plus 6, ça fait 13. Donc, il perd encore 2 points. Il est à 2. Oh, là, j'ai eu 3. Ça me fait juste 12. Et lui, il a eu 6. Ouch, plus 2. Il a eu 8. 8 plus 7, ça fait 15. C'est moi qui perds 2 points de vie. Je tombe à 11. Là, j'ai eu... Oh, j'ai eu juste 5. Ça me fait 14. C'est pas très haut. Lui, il a eu 6. Ah, ça fait 6 plus... Ça fait 13. OK, 0. Il est tombé. Il est mort. On a perdu juste 2 points de vie. Ça n'a pas été spé. Donc, on vient de le tuer, le loup spectral. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 443. Et je m'y rends. Je m'y rends. 443. Au dernier coup que vous lui avez porté, la créature spectrale a commencé à s'effilocher. Pour se réduire en une petite brume, vite emportée par le vent, dans un dernier hurlement. Leur chef ayant quitté le monde matériel, la meute disparaît à son tour, ne laissant comme trace de sa présence que des lambeaux de brouillard. Pendant un moment, les chasseurs sont restés pantelants devant le silence revenu. Jusqu'à ce que, prenant conscience de ce que vous avez fait pour eux, ils vous acclament à plein poumon. Vous avez à tout jamais banni le hurlement et fait cesser ainsi les tourments des habitants de Strigovia. Vous gagnez un point de chance. On est revenu à 8. Mais mon total de départ était de 7. Je ne sais pas si je peux le dépasser. J'irai vérifier après. De retour au cochon de lait, vous passez la nuit à manger et boire avec les villageois, ne gagnant votre chambre qu'au petit matin. Le jour est déjà bien avancé lorsque vous vous éveillez et vous avez hâte de vous remettre en chemin pour reprendre votre quête. Néanmoins, vous ne pouvez refuser de manger les pigeons que la femme de l'aubergiste a tout spécialement cuisinés pour vous et qui vous font gagner par la même occasion 4 points d'endurance. Je retombe à 15. On est quasiment à notre total max. Mon total max, c'est 16. Quittant le village et ses habitants reconnaissants, vous reprenez la route jusqu'à un embranchement qui vous donne le choix de suivre. On peut aller au nord, à l'est, mais vous pouvez également prendre un chemin de traverse en direction de la forêt dont vous voyez la lisière à 1 ou 2 km en direction du nord-est. Ben moi, le chemin de traverse, ça me dit de quoi? Ça me fait penser à Harry Potter. Je pense que vous seriez d'accord pour qu'on suive le chemin de traverse. Mais juste avant, je vais vérifier pour les points de chance. Donc, j'ai vérifié et on ne peut pas dépasser notre total de chance. Donc, je me suis remis à mon max qui est de 7. Donc, allons-y. Allons sur le chemin de traverse. Rencontrer Harry Potter au 8. Il vous faut peu de temps pour atteindre la forêt, et bientôt votre chemin s'enfonce dans un fouillis de troncs serrés les uns contre les autres. De temps à autre, vous parvient le chant d'un oiseau ou le cri lointain d'un animal, mais tout est immobile. De plus, la lumière régnant en ces lieux est crépusculaire, et vous ne pouvez vous empêcher d'être gagné par un sentiment de sourde inquiétude, tant vous avez l'impression d'évoluer dans un univers de contes de fées ou de légendes. Je vous l'avais dit, on va voir Harry Potter. Enfin, vous parvenez à une vaste clairière au centre de laquelle se trouve un étang à la surface duquel s'enchevêtrent les fines feuilles rubanées de plantes aquatiques. Cet étang doit avoir un diamètre d'une bonne centaine de mètres, mais le chemin que vous suivez le contourne. Alors que vous allez vous remettre en marche, une mélodie s'élève, semble caresser la surface de l'eau, évoquant tout au fond de vous la mélancolie de la solitude et l'expression d'une profonde tristesse. Lancez 2 dés. J'ai eu 2. Oh boy. Si le résultat obtenu est inférieur ou égal à votre total de métamorphose, j'ai 2. Oui, c'est égal. Je m'en vais au 64. Donc, j'ai l'impression qu'à cause de tout ça, on va sauter dans l'eau. On va aller dans 64. Allons-y. Cette mélodie est un langage que... Quelque chose niché tout au fond de vous comprend, quelque chose qui vient de s'éveiller pour répondre à cet appel. Comme dans un rêve, vous vous approchez de la rive de l'étang dans lequel vous pénétrez. Ah, on va se baigner. Il y a sûrement des sangsues. Avant de plonger au milieu des roseaux sans la moindre hésitation, l'eau est sombre et pourtant, devant vous, une étrange lueur vert émeraude semble vous montrer le chemin. Il y a de la magie par ici, une magie primitive parlant des régions inconnues et sauvages du monde. Des algues d'eau douce frémissent tout autour de vous que vous frôlez en nageant de plus en plus bas, vers l'origine de la mélodie que vous pouvez toujours entendre, bien que maintenant vous soyez loin de la surface, oh boy. Et c'est à travers cette forêt mouvante que vous apercevez trois jeunes femmes. Ah ben là, au moins il y a de la femme. Trois jeunes femmes d'une exquise beauté, leurs longues chevelures vertes ondulant autour d'elles et les drapant d'un voile aussi léger qu'un souffle printanier. Le chant d'une infinie tristesse des filles de noyer, oh, des filles de noyer, c'est pas bon signe, emplit votre cœur d'une pitié à laquelle il est difficile de résister. Testez votre habileté en ajoutant 2 au score obtenu. 6, 7, 8, 9, 10, j'ai eu 11. J'ajoute 2, ça me fait 13. Égal ou... là, je l'ai manqué. Si vous réussissez, rendez-vous. Si vous échouez... Ouais, on est mal parti, les amis. On est mal parti. Ça se peut qu'on meure, hein? Puis que ça se termine là-dessus, là. 213, vous vouliez aller en ville? Vous vouliez que j'aille dans le lac? Incapable de résister. À leurs appels, vous rejoignez les trois misérables sœurs dans leur danse, tournoyant de plus en plus vite, au point de ne plus même ressentir le besoin de respirer. Et c'est ainsi que vous réussissez à vaincre la malédiction de la lycanthropie. Waouh! On a vaincu, mais je vous indique comment on a vécu. Enseveli à jamais dans la sépulture liquide de l'étang au noyer, votre aventure se termine ici. Donc, on a terminé! Hey, ça s'est joué sur le 2 de la métamorphose. J'ai vraiment... Ma métamorphose est très basse. J'avais 2 et j'ai pogné 2 sur le dé qui fait que j'ai été obligé de répondre à mes besoins de loup-garou. Mais c'est très malchanceux. Donc voilà, on a fait le premier, le défi fantastique numéro 21. Bon, je le referai pas, on le fait une fois. Demain, je vais aller en chercher un autre, il y en a d'autres à la bibliothèque. Puis un jour, on va sûrement réussir, mais celui-là, c'est un échec, mais c'est quand même plaisant. Donc, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, ceux qui ont écouté jusqu'au bout. C'était un défi fantastique. Donc, à la prochaine.